نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنواصل دراستنا بحول الله جل وعلا في سيرة أنبياء الله عز وجل، سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة. وبعد، donc on va continuer inshallah sur notre étude des histoires tirées du Coran. Et en l'occurrence, on avait commencé l'étude de l'histoire d'un des grands prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi tout l'univers, parmi ces hommes qu'Allah jalla wa ala a choisi pour transmettre sa révélation, qu'il a élu, et il a fait de lui Al-Khalil, son ami intime. Et avant lui, il n'y avait pas de prophète qu'Allah a envoyé qui ont eu ce rang, ce mérite d'être Khalil, ami intime d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela, la fois dernière, lorsqu'on a dit qu'on allait commencer l'étude de la vie du grand prophète, le père des prophètes, Ibrahim, alayhi salam, que la paix et le salut soient sur lui, on a dit que ce prophète est nommé le père de la prophétie, comme on avait explicité ça dans l'assise précédente. On avait dit que la vie de ce prophète est d'une immense importance pour la vie du croyant de connaître cette vie-là. Et donc c'est capital, c'est très important. Pourquoi? Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière générale, nous a ordonné de suivre et de prendre comme exemple les prophètes et les messagers envoyés aux hommes, et cela d'une manière générale, mais d'une manière précise, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de suivre la voie et la religion, la milla de Ibrahim alayhi salam, et cela d'une manière précise. Donc d'une manière générale, on se doit de prendre comme exemple et modèle les prophètes et les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'une manière bien précise, Allah jalla wa ala nous a ordonné et commandé de suivre la religion et la voie de Ibrahim alayhi salam. Et c'est pour cela que lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été ordonné de suivre la milla, la voie, la religion de Ibrahim alayhi salam. Et ça prouve les mérites et les vertus et la grandeur de ce prophète. Et donc l'importance de connaître le message du prophète Ibrahim alayhi salam. Et donc c'est une nécessité pour nous tous, pour tout croyant, de connaître la vie de ce prophète. Et d'ailleurs, on avait mentionné le verset lorsqu'Allah jalla wa ala dit au prophète qu'il t'a été révélé anittabi' millata Ibrahim hanifa, qu'il t'a été révélé de suivre la religion d'Ibrahim qui était hanif. Donc on avait mentionné justement des mérites, des éloges mentionnés dans le Coran et les mérites de Ibrahim alayhi salam pour que le croyant puisse se rendre compte de l'importance de connaître l'histoire de ce prophète et ensuite de le prendre comme modèle et exemple et de suivre ensuite la religion et la voie de Ibrahim alayhi salam. Et donc on a l'ordre, comme c'était l'ordre révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons tous l'ordre de suivre la voie de Ibrahim alayhi salam. Quelle était cette voie? Quelle était la voie de Ibrahim alayhi salam? Pour pouvoir suivre la voie de Ibrahim alayhi salam, il faut donc connaître qu'est-ce que cette voie? Quelle est cette voie véritablement et réellement? Quel est le sens de Al-Hanifiyya? Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on a explicité ça la fois dernière. Quel était le sens de la Hanifiyya? Pourquoi? Parce que la voie de Ibrahim, c'est la Hanifiyya. La Hanifiyya, du fait que lui était Hanif. Il était Hanif, comme Allah Jalla wa Ala l'a décrit dans le Coran. C'est pour ça que la fois dernière, on avait expliqué le sens de la Hanifiyya. Quelle était justement la voie de Ibrahim pour que chaque croyant puisse suivre la voie d'Ibrahim comme cela nous est commandé et ordonné dans le Coran. Donc c'est le prophète qui est doté de nombreux mérites. En l'occurrence, parmi les mérites qu'on avait mentionnés, on avait terminé cela la fois dernière en disant que c'est le prophète Ibrahim sera le premier à être revêtu. être revêtus le jour de la résurrection, alors que le prophète en salam nous a enseigné que les gens seront ressuscités nus, incirconcis pieds nus. Eh ben, lui, Ibrahim alayhi salam, c'est le premier, comme le prophète en salam nous l'enseigne, qui sera revêtu le jour de la résurrection. Et ça démontre ici les mérites, justement, et la grandeur de ce prophète. ولهذا إبراهيم عليه السلام نبي الله له فضائل عظيمة كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. Donc le prophète Ibrahim, si vous regardez dans le Coran, vous observez, Ibrahim était doté de nombreux nobles comportements et de bonne moralité, comme on va le voir à travers l'étude de sa vie. Donc il était doté de comportements exceptionnels. Et la manière dont il appelait son peuple était de la meilleure des manières, d'une manière exceptionnelle. Le prophète Ibrahim s'est vraiment distingué dans son appel et sa force d'argumentation. Donc parmi les choses qu'Allah Jalla wa Ala lui a accordées et octroyées, parmi ces dons-là, le fait qu'il avait vraiment une force d'argumentation. Et il était justement un bon exemple dans ce domaine. Il était vraiment doué dans ce domaine, dans sa manière d'appeler, dans sa manière de prêcher, et justement d'appeler les gens à revenir vers l'adoration d'Allah et de délaisser l'adoration des fausses divinités, comme on le verra à travers l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam min fada'ilihi أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه هو وولده إسماعيل لبناء البيت العتيق واستجاب الله عز وجل دعاءه وحقق في أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم رجاءه كما قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Et Ibrahim, parmi ses mérites et ses vertus, comme cela nous est mentionné dans le Coran, et ce qui prouve la grandeur d'Ibrahim, c'est lui qui a eu l'honneur de élever les fondations de la Kaaba. Donc c'est Ibrahim alayhi salam qui a eu l'honneur, lui et son fils Ismaïl, d'élever les fondations de la maison ancienne, antique, la Kaaba. La Kaaba. Et donc, Al-Kaaba, comme il nous est mentionné dans le verset 127 de la Sourate Al-Baqara, Allah Jalla wa Ala nous dit « Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayti wa Ismail ». Donc Allah nous enseigne que Ibrahim et son fils Ismail ont élevé les fondations de la Kaaba, et donc, ensuite il y a eu l'édifice de la Kaaba, en disant, et ils implorèrent Allah en disant « Rabbana taqabbal minna »« Ô Seigneur, accepte cela de nous »« Innaka anta sami'ul alim » »« Tu es certes l'audience, celui qui entend tout et qui a la connaissance de tout » une traduction approchée du sens du verset. Et donc ça c'est un mérite immense, montrant la grandeur d'Ibrahim, le fait qu'Allah Jalla wa Ala l'a élu pour justement élever les fondations de la Kaaba, qui jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, justement, Al-Kaaba, Al-Bayt al-Atiq, Al-Kaaba est la maison visitée. Et donc, dans les lieux saints, à la Mecque, jusqu'à aujourd'hui, c'est la Qibla. C'est l'orientation de tous les musulmans, de tous les monothéistes du monde entier. Donc, tous les monothéistes, tous les soumis à Allah, tous les musulmans du monde entier s'orientent dans n'importe quel endroit du monde, dans n'importe quelle position géographique du monde. Tous les musulmans, tous ceux qui accomplissent leur prière s'orientent vers Al-Kaaba, vers cette maison antique Al-Kaaba, dont Ibrahim a.s. a eu l'ordre d'élever les fondations. Et jusqu'à aujourd'hui, cette maison est la maison visitée, et elle est donc dans les lieux saints, dans cette Buqa, cette terre sainte, qui est Mecca, qui est la Mecque. Et donc le pèlerinage, justement, tous les gens qui viennent accomplir justement ce pèlerinage annuel, ou bien le petit pèlerinage qu'on peut accomplir tout au long de l'année, eh ben, se rendent justement à la Mecque et font ce qu'on appelle At-Tawaf, font ce qu'on appelle At-Tawaf autour de Al-Kaaba, autour d'Al-Kaaba. Donc regardez, c'est le lieu d'orientation de tous les monothéistes du monde entier. وقال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, la première maison, la première awalu baytin wada'a linnas, qui était érigée pour les gens, lilladhi bi Bekkata, c'est celle qui est à Bekka. Donc ça n'est un autre nom hein, de Mekka. De Mekka, comme elle est appelée dans le Coran. Bénit, wahudan il alamin, et une guidée pour tout l'univers, Allah Azza wa Jal nous dit, dans le Coran, dans le verset 96 de Sourate Ali Imran. Et donc c'est Ibrahim et son fils Ismaïl qui ont eu l'honneur justement d'élever les fondations de la Kaaba. Et Allah Jalla wa Ala nous dit aussi fihi ayatun bayyinat. Il y a des signes clairs, il y a des signes évidents. Maqam Ibrahim. Et Allah Azza wa Jal nous mentionne aussi parmi les signes le maqam de Ibrahim. Vous savez, face à la Kaaba, il y a ce qu'on appelle al-maqam. Et à chaque fois qu'on fait al-tawaf, vous avez vu, on doit faire deux rak'at ensuite à la fin du tawaf, de la circumambulation autour de la Kaaba, il nous est légiféré de faire deux rak'at derrière le maqam. Le maqam de Ibrahim. Et le maqam de Ibrahim, c'était justement à cet endroit-là où Ismaïl, son fils, avait posé une pierre et Ibrahim s'était élevé sur cette pierre lorsque la Kaaba, sa construction, s'est levée pour pouvoir continuer justement la construction de Bayt al-Atiq. Alors Ibrahim s'est élevé, monté sur cette pierre que lui avait mis son fils Ismaïl pour qu'il puisse continuer l'édification ici. Ay al-hajar alladhi kana yaqifu alayhi qa'iman limartafa al-bina' an qamatihi fa wudi'a lahu aw wada'a lahu waladuhu hadha al-hajar al-mashhur liyartafa alayhi lamma ta'ala aw lamma ta'ala al-bina' wa 'azma al-fana' والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع في واد غير ذي زرع ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروع والثمار وأن يجعله حرما محرما وآمنا. Et donc, en résumé, donc, c'est Ibrahim qui a eu l'honneur justement d'édifier Ashraf al-Masajid, la plus noble et sacrée des mosquées, au sein de la terre sacrée. Fi wadin ghayri dhi zar'in, comme elle nous est décrite dans le Coran, al-Mekka. Et ensuite, Ibrahim a invoqué Allah Jalla wa Ala pour qu'elle soit bénite. Et pour que les occupants de cette terre, il leur soit octroyé ar-rizq wa ath-thamarat, les bons fruits. Et Ibrahim, et donc ensuite, cette terre, Mekka, fut sacrée, Allah Jalla wa Ala a légiféré que c'est la terre sacrée, sainte, et Ibrahim a invoqué Allah pour que cette terre soit en sécurité et qu'il y ait toutes sortes de fruits, al-baraka, la bénédiction et l'abondance. Et aussi, parmi l'invocation d'Ibrahim qui a été exaucée, le fait qu'il a imploré Allah Jalla wa Ala qu'il leur fasse venir un messager parmi eux. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ô Seigneur, fais venir un prophète, un messager parmi eux, qui leur récite tes versets. Wa yuzakkihim. Et aussi qu'il est purifié, une traduction relative rapprochée du sens du verset. Et donc, la darwa du prophète Ibrahim a été exaucée. Pourquoi? Parce qu'en cette terre, ensuite, naquit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a donc envoyé le dernier des prophètes, celui qui a parachevé le message des prophètes et des envoyés, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a dit, en l'occurrence, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de la descendance d'Ibrahim, et ça, ça fait partie aussi des mérites du prophète Ibrahim. Comme on a dit, le prophète Ibrahim avait deux enfants, deux garçons, Ishaq ou Ismaïl. Et donc, Ismaïl était le plus grand, et Ishaq est venu après. Et donc, lui, Ismaïl, était le fils de Hajar, et Ishaq était le fils de Sarah. Et ensuite, donc, de Ishaq, il y a eu ensuite Yaqub, Yaqub, qui était surnommé Israël. Israël. Donc Israël, les savants nous disent que Isr, ça veut dire Abd, Abdullah. Israël, dans le sens de Abdullah, serviteur d'Allah. Et c'est pour ça que Yaqub était justement surnommé Israël, et tous ceux qui viendront ensuite seront Banu Israël, les enfants d'Israël. Et donc de lui, il y aura la prophétie. Il y aura des enfants prophètes comme Youssouf. Donc il y a Ishaq, ensuite Yaqub, ensuite Youssouf, et ensuite donc on a dit Allah Jalla wa Ala a mis la prophétie dans la descendance de Ibrahim. Et cela jusqu'à Maryam. Jusqu'à Maryam, lorsqu'elle enfantera Isa, et là il y aura l'interruption. Il y aura l'interruption ici de la prophétie au sein de la descendance de Yaqub, c'est-à-dire de Ibrahim du côté de Ishaq, du côté de Ishaq. Et du côté d'Ismaïl, alors Ismaïl, parmi ses fils, il n'y a pas eu de prophète, ni parmi les petits-fils, ni parmi les arrière-petits-fils, et jusqu'à l'arrivée de Abdallah, le père du prophète Mohammed, ensuite la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque. Et là, donc, le prophète Mohammed sera descendant direct de la lignée, hein, de la lignée de Ismaïl, et donc ce sera le dernier des prophètes qui va parachever le message, et donc descendant direct de Ibrahim alayhi salam. Donc voilà parmi les mérites de Ibrahim alayhi salam. فسأل إبراهيم عليه السلام كما قلنا سأل الله أن يبعث فيهم رسولا منهم أي من جنسهم على لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة لتتم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية بسعادة الأولى والآخرة وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولا وأي رسول وختم به أنبياء ورسلا وأكمل له من الدين ما لم يؤت أحدا قبله. Et de ce fait, c'est pour cela qu'on a dit que parmi les invocations exaucées de Ibrahim, le fait que Ibrahim avait invoqué Allah Jalla wa Ala pour qu'un prophète leur soit envoyé. C'est-à-dire aux gens de la Mecque, à cet endroit où il a élevé la bâtisse, les fondations de la Kaaba. Qu'Allah envoie à ces gens un prophète. Min jinsihim, parmi les leurs, qui parlent leur langue. Et ça complétait, comme nous disent les savants, et c'est un résumé dans Qasas al-Anbiya, dans l'histoire des prophètes de l'Hafidh ibn Kathir. Dans l'Hafidh ibn Kathir, l'érudit, qui dit justement, pour parachever les deux bienfaits, le bienfait le premier d'ici-bas et le bienfait de l'au-delà. Et pour avoir justement le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'au-delà. Et fastajab Allah, et Allah a exaucé la demande d'Ibrahim et l'a envoyé un messager à ces gens. Et de ce fait, il a parachevé la prophétie. وبالتالي نبدأ بدعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه. نبدأ بدعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزرا. Et donc, pour continuer, et donc là, on va commencer vraiment à évoquer la vie d'Ibrahim alayhi salam et l'histoire donc du prophète Ibrahim alayhi salam et surtout ce qui est lié à son appel. Ce qui est lié à son appel. Et on verra, donc, dans la continuité de cela, on verra vraiment ses moralités et ses bons comportements dont était doté à travers l'histoire de Ibrahim, à travers son appel et l'étude de cela. On verra vraiment ses comportements et ses bonnes moralités dont était doté Ibrahim, alayhi salam. Et donc, pour cela, on va commencer le premier appel d'Ibrahim, comme ça nous est mentionné dans le Coran. Et comme cela nous est enseigné par les savants, que Ibrahim commença son appel par celui de son père. C'est-à-dire, il commença sa da'wa, sa prédication, par l'appel de son père au bien. Donc, il a commencé par son père. À savoir, pour comprendre cela, Ibrahim, alayhi salam, le prophète, naquit, a évolué dans une société polythéiste. C'est-à-dire qu'il est né au sein d'un peuple qui adorait plus exactement les astres, qui adorait les étoiles, qui adorait des planètes, qui adorait la lune, par exemple, qui adorait le soleil. Mais aussi, c'était des adorateurs de statues. Donc, aussi bien ils adoraient des statues, et aussi bien ils adoraient les astres et des étoiles. Ils adoraient al-kawakib, ce qu'on appelle al-kawakib, ou an-nujum, des planètes, des constellations. Donc, Ibrahim, depuis son plus jeune âge, il a évolué et il naquit, il est né au sein d'un peuple qui s'adonnait à l'adoration de divinités, de fausses divinités. Donc, au sein d'un peuple idolâtre. Et aussi, parmi les choses importantes, et qui nous est rapporté que son père, lui, était un façonneur de statues et d'idoles, comme cela est mentionné dans le Coran. Et Ibrahim, alayhi salam, donc depuis son plus jeune âge, a connu cela, mais Allah Azza wa Jal nous dit que avant même la prophétie, Ibrahim avait été protégé de cela. Et avant même la prophétie, Ibrahim était doté d'une sagacité et il était doté d'une intelligence. Et donc avant même qu'il reçoive la prophétie, Ibrahim ne s'adonnait pas à cela et il n'aimait pas l'adoration de ses idoles et de ses statues et de ses fausses divinités. فبدأ الخليل عليه السلام دعوته إلى الله عز وجل بدعوة أبيه لأنه أقرب الناس إليه وأولى الناس بما عنده من خير وهذا ما فعله رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين وكان في دعوته إياه مراعيا أدب النصيحة وحسن الأدب مع الكبير قوي الحجة صابرا محتسبا كل أذى يلقاه في سبيل تبليغ دعوته فليتأس الدعاة بذلك قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعني عنك شيئا. Et pour cela, comme il nous est enseigné, Ibrahim a commencé son appel par son père. À savoir que, comme certains savants nous l'enseignent et nous le relatent, à l'époque, le peuple de Ibrahim, comme on a dit précédemment, là-bas, c'est qu'ils adoraient des astres, ils adoraient des étoiles, ils adoraient Al-Kawakib, ils adoraient des planètes comme la lune, le soleil et autres. Et on a dit aussi, ils adoraient des statues. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ils avaient par exemple, un astre, par exemple, du bonheur. Ils avaient un astre lié à la guérison. Donc ils imploraient, par exemple, l'étoile de la guérison, ils invoquaient, ils adoraient l'étoile de la guérison lorsqu'ils cherchaient la guérison. Et lorsqu'ils voulaient, par exemple, la subsistance, alors ils imploraient l'astre pour la subsistance. Et comme cela, donc, ils adoraient différentes planètes, différents astres par rapport à ce qu'ils leur attribuaient comme particularité. Et comme il nous est mentionné, parfois, selon les conditions atmosphériques, par exemple, si le ciel était nuageux, ou selon les périodes, donc il n'y avait pas l'apparition de ces étoiles et de ces astres. Donc lorsque ces astres n'apparaissaient pas, et lorsque il y avait certaines situations, certaines causes qui faisaient que ces astres, que ce soit en période où l'astre n'apparaît pas, ou bien à cause des conditions atmosphériques, alors s'ils ne pouvaient pas invoquer et s'orienter, se diriger vers l'astre, ils adoraient aussi, à côté de celle-ci, des statues et donc des représentations, des fausses divinités, des idoles. Et lui, donc, comme on a dit précédemment, le père de Ibrahim était un façonneur d'idoles. Et donc, premièrement, il façonnait ses idoles, il les faisait, les fabriquait. Ensuite, il les vendait. Il les vendait aussi, ses idoles, et il appelait aussi à l'adoration de ses idoles. À l'adoration de ses idoles. Donc c'était Zulumat Fawqabard. Zulumat Fawqabard. Donc c'était ténèbres sur ténèbres. Premièrement, la construction et la fabrication de ses idoles. Deuxièmement, la vente et la propagation de ses idoles. Troisièmement, le fait d'appeler les gens à l'adoration de ces idoles, en sous-entendant que ces idoles donc avaient des pouvoirs et des particularités spécifiques. Donc les gens vouaient adoration à ces idoles, ils avaient des convictions concernant ces idoles. Et donc Ibrahim, lui, naquit au sein d'un peuple idolâtre. Et pour commencer, Ibrahim a commencé justement à appeler son père, ses proches. Et comme cela avait été ordonné au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, de commencer à appeler ses proches. Comme dans un verset, il est dit « Wa anzir ashirataka al-aqrabin » et appelle tes proches, avertis tes proches. Et donc le prophète ensemble lui-même avait commencé par appeler ses proches. Donc Ibrahim a commencé à appeler son père. Et son père, comme il est mentionné dans le Coran, son père se nommait, s'appelait Azar. Azar. Certains disent que son père, vous pouvez retrouver dans certains livres d'histoire, même relatés par de grands savants de notre communauté, qui considèrent que le père d'Ibrahim s'appelait Tarikh. Et aussi Tarikh. Donc c'est prononcé comme Tarikh, mais on peut prononcer aussi, le prononce aussi Tarikh. Donc certains mentionnent que le nom du père d'Ibrahim c'était Tarikh. Et eux, ils se basent sur la généalogie qui nous est rapportée dans certains livres, dans la généalogie d'Ibrahim. Certains spécialistes, généalogistes, hein, eux disent que Ibrahim était le fils de Tarikh. Et comme cela, on retrouve dans des anciennes généalogies où il est mentionné qu'Ibrahim était le fils de Tarikh ou Tarikh, comme c'est mentionné. Et vous retrouvez aussi la mention d'Ibrahim dans les livres anciens. Dans des livres anciens, il y a la mention du prophète Ibrahim alayhi as-salam. Donc, les communautés aussi précédentes reconnaissent les mérites et les vertus du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Et donc, c'est pour cela que Ibrahim était un modèle, un exemple à suivre, et cela pour toutes les nations. Et à lui-même, il représentait une nation, tellement il était doté de nobles moralités, comme on va voir. Mais alors, pour revenir au sujet du nom du père d'Ibrahim, alayhissalam, beaucoup de savants considèrent que le plus juste, c'est que le nom de son père est Azar. Pourquoi? Parce que cela est mentionné clairement dans le Coran et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Dans le Coran, le nom Azar est mentionné dans un verset, est mentionné directement dans un verset. Donc c'est confirmé. Et aussi dans la Sunna, comme on verra dans un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où le jour de la résurrection, Ibrahim rencontrera son père justement, et il est dit son père Azar. Donc aussi bien dans le Coran et dans la Sunna du prophète, sallam, le nom du père de Ibrahim est mentionné. Et donc il est cité. Et il est appelé comme étant Azar. C'est pour ça que le plus juste, c'est que le père de Ibrahim se nommait bien Azar. قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولتكون من الموقنين وليكون من الموقنين. Et donc dans cette traduction approchée, Allah Jalla wa'ala nous dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ. Et lorsque Ibrahim a dit à son père أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا, prends-tu les statues comme fausses divinités? إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ, certes je te vois toi et ton peuple dans un égarement manifeste. Donc vous avez vu dans ce verset, le verset 74 de la sourate Al-An'am, les bestiaux, il y a la mention du nom du père d'Ibrahim, lorsqu'Allah dit « Wa'idh qala » et lorsque Ibrahim a dit à son père « Azar ». Donc le nom est mentionné. Et regardez ce que ensuite Ibrahim va leur dire. Regardez dans la manière d'avoir appelé son père. في آية أخرى يقول إبراهيم وإذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعني عنك شيئا. Dans un verset, donc on voit que Ibrahim a commencé ensuite à appeler son père. Et donc il dit: oh mon père. Et l'utilisation du terme ici qui est mentionné en arabe, Ibrahim dit à son père: ya abati. Oh mon père. Donc c'est une manière de s'adresser au père avec un respect. Et c'est une noble manière pour s'adresser aux parents et au père, surtout de dire « Ya abati ». Alors il lui dit « Pourquoi adores-tu ce qui n'entend point et ce qui ne voit pas et ce qui ne peut t'accorder aucun profit ?» Donc là, il s'oriente vers son père en lui disant, il oriente cette parole à son père en lui disant « Oh mon père !» Donc il essaye de rappeler son père à la raison. « Pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas ?» En disant que ces fausses divinités, ni elles peuvent entendre, ni elles peuvent voir, et ni elles peuvent accorder profit. Et il va lui dire, « Ya abati, ô mon père, inni qad ja'ani min al-ilmi ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Et donc ensuite il va dire, ô mon père, il m'est certes venu une science, un savoir qui ne t'est pas parvenu. Fattabi'ni, suis-moi, je te guiderai vers une voie droite. Regardez le comportement comme on va l'étudier ici. Ibrahim yaqul li abi, inna ma'i ta'ifatan min al-'ilm, shay'an minhu laysa ma'ak. Ibrahim ici n'a pas dit à son père, traité son père d'ignorant, son père comme étant une personne qui ne connaissait rien, mais regardez sa manière dont il s'adresse à lui, et ça prouve les nobles caractères de Ibrahim alayhi salam. Il lui dit, ô mon père, il m'est certes parvenu une science qui ne t'est pas parvenue. Il m'a été donné, octroyé une science qui ne t'est pas parvenue. Il lui a pas dit toute la science, mais il lui a dit, j'ai une science. Il m'est parvenu une science. Shay'an minhu laysa ma'ak. Et cette science-là qui m'est parvenue, qui m'a été octroyée, elle ne t'est pas parvenue. Regardez la manière dont il s'adresse à son père ici. Alors il lui dit, suis-moi, je te guiderai vers une voie droite. Et là, on voit vraiment le noble comportement d'Ibrahim à travers l'étude de cela. Et donc, il a toujours fait preuve de bon comportement. ثم قال عز وجل يا أبتي عن إبراهيم يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا أو إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Et donc ensuite Ibrahim, regardez, il continue à s'adresser à son père, d'orienter ses paroles vers son père en lui disant, oh mon père, la ta'bud shaytan, n'adore pas le shaytan. Inna shaytan kana l'rahmani asiya. Le shaytan, il était pour le miséricordieux en tant que désobéissant. Il a désobéi au miséricordieux. Et il continue encore à s'adresser à son père lorsqu'il lui a dit, n'adore pas shaytan. Car le shaytan a été désobéissant envers le miséricordieux. Ibrahim continue et dit à son père, Ya abati, inni akhafu an yamassak. Inni akhafu an yamassak adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytan waliya. Ô mon père, je crains que tu sois touché par un châtiment venant du miséricordieux, fatakuna lish-shaytan waliya, et que tu sois ensuite un allié du shaytan. Regardez cette très belle manière. Regardez ce style. Regardez ces nobles moralités qu'avait Ibrahim et cette manière d'avoir appelé son père. Et ça, c'est un exemple pour tout le monde. لَمْ يَخْلُ ذَلِكَ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ. Ibrahim vraiment proférait des paroles vraiment liées à une bonne moralité. فَلَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّ الْعِقَابِ لَاحِقْ لَهُ. Il n'a pas déclaré clairement que son père serait touché par un châtiment, que tu seras châtié. وَأَنَّ الْعَدَبِ لَاسِقٌ بِهِ. Et que vraiment ce châtiment t'attend. Il lui a pas dit. Il lui a dit, Akhafu an yamassaka adab. J'ai peur que tu sois touché par un châtiment. Je crains qu'un châtiment t'atteigne. Regardez cette manière. Il lui a fait part d'une crainte. Il lui a fait peur qu'il craignait pour lui. Fadhakara al-khawf wal-mass wa nakara al-adab. Donc cette peur qu'il a mentionnée, les savants nous disent, elle est claire. Il a mentionné qu'il avait une peur, qu'il soit touché par quelque chose. Mais ensuite, nakara al-adab. Et ce châtiment, il l'a cité comme étant éventuel, probable. J'ai peur que tu sois touché par un châtiment. Wa ja'ala wilayat ash-shaytan wa dukhulahu fi jumlati ash-shi'i wa awliya'ihi akbar min al-adab. Et ensuite, Ibrahim lui dit, et j'ai peur que tu deviennes un allié du démon, du shaitan. Ya abati. Et toutes ces paroles, il est fait précéder, puisqu'il y a quatre recommandations ici d'Ibrahim à son père. Il y a quatre choses qu'Ibrahim a citées. N'adore pas shaitan, premièrement. Il lui enseigne aussi que shaitan a été désobéissant vers le miséricordieux. Il lui enseigne aussi qu'il a peur, qu'il craint, qu'il soit touché par un châtiment venant du miséricordieux. Troisièmement. Et quatrièmement, il lui dit, et j'ai peur que tu deviennes un allié du shaitan, du diable. Et toutes ces choses qu'il a enseignées, ces quatre choses qu'il enseigne à son père, il les fait précéder par Ya Abati, ô mon père. Regardez, en utilisant du respect envers son père. Et d'ailleurs, ensuite, Allah Azza wa Jal yukhbiruna an qawli abihi qala raghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Et donc ensuite Allah Azza wa Jal nous informe au sujet de la réponse du père de Ibrahim en lui disant: est-ce que toi tu t'écartes, tu t'éloignes de l'adoration de mes divinités, ô toi Ibrahim? Lui répondit son père: la in lam tantahi la arjumannak. Et si tu ne t'arrêtes pas, je te lapiderai. Certains savants ont dit que lorsque son père l'a menacé de le lapider, c'est soit la lapidation par des pierres, ou soit il le menace de le lapider par la langue. Par la langue, c'est-à-dire par les insultes et les injures. Mais beaucoup de savants disent que le sens le plus proche, c'est par les pierres. Son père l'a menacé de le lapider. De le lapider. « Wahjurni maliya ». Ensuite, son père lui a dit « Et que tu t'éloignes de nous ». Que tu t'éloignes, maliya dans le sens aman tawilan, que tu sois exilé, que tu t'éloignes, que tu sois loin de nous, et cela pendant un long temps. Zaman tawila. Donc regardez, ça c'était la réponse de son père. Regardez en réponse Ibrahim. Comment Ibrahim va répondre à son père? Après qu'Ibrahim il ait appelé son père de la meilleure des manières en lui disant ya abati, n'adore pas Shaitan. Et donc il lui a fait ses recommandations. Faisant partie de son appel, regardez la réponse de son père, en le menaçant de le lapider, et en le menaçant de l'exiler, qu'il soit loin d'eux, qu'il soit mahjour. Alors Ibrahim répondit tout simplement à son père en lui disant « Qala salamun alik »« Oh, paix sur toi, oh mon père, paix sur toi. »« Sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. » »« Je demanderai pardon pour toi au Seigneur, car c'est notre Seigneur et pour moi hafiya. » Donc regardez la réponse de Ibrahim, comment il a répondu à son père. Salamun alayk. Que la paix soit sur toi. Certains savants nous expliquaient la yasiluka minni makro. Tu recevras de ma part aucune chose détestable, aucun préjudice, aucune chose réprimandable. La yanaluka minni adha. Tu recevras de ma part que du bien. Bal anta salimun min ahiyati. Tu seras à l'abri. Lorsque Ibrahim dit cela à son père Salamun alayka, ça comprend ces sens-là. Faqala, et ensuite Ibrahim continue en lui disant: et je demanderai pardon pour toi au Seigneur. Qala Ibn Abbas wa ghayru, ay latifan, wa qad istaghfara lahu Ibrahim kama wa'adahu fi ad'iyati, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tabarra'a min. Et donc Ibrahim, conformément à sa promesse qu'il a faite à son père, il a demander le pardon pour lui à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'il a vu que son père était vraiment un adou, lillah subhanahu wa ta'ala, il était vraiment ennemi du Seigneur subhanahu wa ta'ala, ensuite tabarra amin, et il s'est désavoué ensuite innocenté de son père, comme nous relate cela le célèbre illustre compagnon Abdallah ibn Abbas. Donc on va se quitter sur cela pour la continuité, la suite dans une prochaine assise de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.